Adèle Homère de Hell, Voyage dans les steppes de la mer Caspienne. Premier chapitre. Le Dnieper, Ekaterinoslav, la garde d'honneur du prince Paskievitch. Où mène l'ambition? Un archimandrite en démence. Intérieur des maisons juives le samedi soir. Dans le courant de mai 1840, nous quittâmes définitivement les steppes de la mer Noire pour entreprendre un voyage dont la perspective tenait depuis longtemps mon imagination en éveil. Après bien des hésitations, fondées sur tout ce qu'entraînerait d'inconvénients pour une femme, l'expédition projetée, mon mari s'était enfin rendu à mes prières en m'associant à cet aventureux et long voyage dont le but touchait aux plus hautes questions de la géographie et de l'histoire. Exprimer ma joie quand j'eus la certitude d'aller voir en sa compagnie Astrakhan, les Kalmouks et la mer Caspienne est chose impossible. Tous les récits des voyageurs célèbres me revenaient à l'esprit et je répétais avec un secret orgueil que moi, une femme, une Parisienne, j'allais à mon tour explorer de lointaines contrées et jouir pendant des mois entiers d'une existence que si peu de personnes sont appelées à connaître. Quel bonheur que d'échapper au prosaïsme de la vie habituelle, aux obligations sociales, à la routine même des habitudes, pour prendre son vol vers les bords presque inconnus de la mer Caspienne. Chose bizarre, prouvant bien ma vocation voyageuse. Tout ce qui aurait épouvanté la plupart des femmes était précisément ce qui me charmait le plus dans la perspective de ce voyage et l'énumération que me faisait mon mari des fatigues extrêmes, des privations, voire des dangers que nous aurions à essuyer n'avait d'autre résultat que d'augmenter mon impatience de partir. Qu'étaient mes précédents voyages en comparaison de ce que me promettait celui-ci? Jusqu'alors, j'avais couru le monde comme la plupart des touristes, avec la certitude de trouver, après une journée de fatigue, une chambre d'hôtel, un dîner de table d'hôte ou tout au moins une station de poste pour passer la nuit. Mais dans l'expédition actuelle, il ne s'agissait rien moins que de coucher sous la tente, au milieu du désert, et de partager la vie errante des tribus kalmouks qui campent dans les steppes du Volga. Il ne s'agissait rien moins que d'aller visiter les circassiens dans leurs montagnes et de saluer en passant ce mystérieux pays de Gog et Magog dont parle la cosmographie des Hébreux que mon imagination, sinon mes yeux, devait apercevoir dans les brumes de la mer Caspienne. Dois-je ajouter que le plus grand bonheur dont me comblait la perspective de ce voyage était celui de ne pas quitter mon mari d'un instant. Voyager en compagnie de ce que l'on aime est la félicité suprême, car tout est satisfait, le cœur et l'imagination. Accompagné d'un cosaque et d'un excellent drogman parlant plusieurs langues, nous quittâmes Klarovka dans les premiers jours de mai, par une de ces journées qui éveillent dans l'esprit un besoin ardent de locomotion. Le commencement du printemps dans les steppes russes possède un charme indéfinissable. Au souffle de chaleur, de vie et d'amour qui parcourt l'espace, tout a hâte de naître et de jouir. En peu de jours, la steppe prend l'aspect d'une immense prairie où le thym, la tulipe, l'hyacinthe, l'œillet et une infinité d'autres fleurs y croissent à la grâce de Dieu avec des parfums et des couleurs qui ne le cèdent en rien à nos fleurs les mieux cultivées. Des milliers d'alouettes nichent dans les hautes herbes, poursuivant le promeneur de leurs joyeuses chansons. La mer se ressent également de la fête commune. Ses coquillages sont plus beaux, plus nombreux, plus variés. Mais pour comprendre toute l'influence que le printemps exerce sur la nature animée, il faut voir les troupeaux de moutons, les génisses suivies de leurs petits, les juments et leurs poulains courir, se rouler sur l'herbe et remplir l'air de leurs bruits joyeux et prolongés. C'est une exubérance de vie dont rien ne peut donner l'idée. Ne dirait-on pas que ces plantes et ces animaux qui s'empresse de se reproduire, pressant le peu de durée des beaux jours. Ailleurs, l'été n'est souvent qu'une continuation du printemps. Les fleurs se renouvellent, la nature conserve longtemps sa puissance vitale, mais il suffit, ici, de 2 ou 3 semaines pour métamorphoser la fraîcheur des champs en une immense solitude brûlée par le soleil. Dans ces contrées, il n'y a en réalité que 2 saisons, car on passe presque subitement d'un froid rigoureux à une chaleur de Sénégal sans que le corps ait eu le temps de s'habituer à ce changement subit de température. Les brises de mer peuvent seules faire supporter de telles chaleurs qui s'élèvent d'ordinaire au mois de juillet et d'août à 27 et 28 degrés Réaumur. Nous remontâmes le Dnieper sur un espace de 400 km avant d'atteindre Ekaterinoslav, ville toute nouvelle, ne comptant, il y a 50 ans, qu'une 20aine de misérables cabanes de pêcheurs éparpillées sur les bords du fleuve. Fondée en 1784 par la grande Catherine, qui en posa la première pierre en présence de Joseph II, cette ville est bâtie, de même que toutes les villes russes, sur un plan gigantesque qui en fait une véritable solitude où se perdent ses rares maisons et sa faible population. Il faudrait, pour remplir des places aussi grandes, des rues aussi larges, dépeupler tout un gouvernement. Rien, jusqu'à ce jour, ne fait espérer que le temps comblera les vides d'un tel désert, car le nombre des habitants a peu augmenté depuis 40 ans. C'est une ville stationnaire qui ne réalisera sans doute jamais ce qu'avait rêvé l'impératrice en lui donnant son nom. Elle possède néanmoins tout ce qui constitue en Russie un siège de gouvernement, beaucoup d'églises, de grandes casernes, des bazars et quelques hôtels particuliers. Sans l'absurde manie qu'ont les Russes d'étendre à l'infini le cadre de leur ville, ce serait au résumé un charmant séjour, riche de son beau fleuve, des collines fertiles qui l'entourent et surtout de son beau jardin Potemkin portant le nom de l'un des plus brillants favoris de Catherine II. En voyant les ruines du palais, qui fut érigé comme par un coup de baguette il y a 60 ans, l'on croirait vraiment que des siècles pèsent sur lui, tant il reste peu de choses de ce qui fut un jour le palais de Catherine. Les Russes ont une telle indifférence pour tout monument dont le mérite est de rappeler une date historique qu'ils s'empressent bien vite de débarrasser le sol d'une chose, selon eux, inutile. Malheureusement, le gouvernement, tout despotique qu'il soit, reste impuissant devant l'instinct destructeur de la population. Il ne faut pour s'en convaincre que se trouver en face des anciens tombeaux de la Crimée, tombeaux si riches en objets d'art, si précieux par leur antiquité, et qui, malgré la prétendue surveillance de la police, disparaîtront bientôt du sol, dévastés par les paysans, voire même par les employés chargés de protéger ces vénérables souvenirs d'une ancienne et brillante civilisation. S'il faut en juger par les ruines qui sont encore debout, le palais Potemkin a dû être d'une magnificence remarquable. Plusieurs corps de bâtiments, avec leurs nombreuses pièces toutes dégradées, ont résisté jusqu'à ce jour à la pioche des démolisseurs. Quant aux détails de l'architecture, tels que chapiteaux, portiques, corniches, colonnades, ils sont du style italien de l'époque. Le terrain tout alentour est complètement recouvert de blocs de pierre, de futs de colonnes, de débris de tout genre, de l'aspect le plus mélancolique. Cela est destiné à devenir la proie du premier moujik qui aura besoin de pierres et de poutres pour reconstruire son izba. Maison. Certes, devant ces ruines modernes, l'esprit ne rêve ni aux luttes acharnées du Moyen-Âge, ni aux assauts soutenus contre quelques troupes de Cosaques ou de Zaporogues, ni aux attaques d'audacieux croisés, ni aux sombres histoires que rappellent les vieux monuments. Mais à défaut de légendes lointaines, le souvenir d'une femme telle que Catherine II ne devrait-il pas suffire pour protéger ce palais contre le vandalisme et l'oubli? Elle ne se doutait guère, la fière impératrice, qu'un jour les serfs emporteraient, lambeau par lambeau, un édifice que créa l'un de ses favoris, à l'époque la plus radieuse de son règne. Souveraine du plus grand empire du monde, un jour la fantaisie lui vint de quitter les glaces de Saint-Pétersbourg pour visiter la Tauride, ce magnifique joyau nouvellement ajouté à sa couronne impériale. Sans tenir compte de la distance et des déserts à parcourir. Elle avait raison, car sa seule présence suffit pour changer en une riante contrée tout ce qui se trouve entre Pétersbourg et les bords de la mer Noire, et son illusion n'eut point de réveil. Qui ne connaît le fantastique voyage qu'elle fit alors, et dont le long parcours ne fut qu'une magique décoration de théâtre? Palais, troupeaux, nombreux villages, populations animées, paysages d'idylle, tout était à souhait pour le plaisir des yeux au moment de son passage. Une heure après, acteurs, décorations et comparses avaient disparu et le désert reprenait sa morne immobilité. On rencontre encore le long de la route d'Ekaterinoslav à Kherson de petites pyramides entourées d'une balustrade indiquant les lieux où s'arrêta la tsarine, où elle changea de chevaux. En maint endroit gisent les restes des palais qui s'élevèrent sur sa route, véritables châteaux de cartes qu'un souffle a fait écrouler. Parmi ces éphémères constructions, le palais d'Ekaterinoslav était le seul qui fut réellement digne de ce nom. Potemkin ne pouvait choisir un lieu plus charmant pour donner des fêtes à sa royale maîtresse et lui faire oublier pendant quelques jours les prestiges de l'ermitage. Situé sur une pente douce descendant jusqu'au fleuve, ce charmant édifice se trouvait au centre d'un parc immense, offrant des sites et des perspectives d'une admirable variété. C'est un pêle-mêle de bois, de labyrinthes, de roches granitiques, de fourrés où l'on peut errer pendant des heures entières sans repasser par le même endroit. Partout sont ménagés des sentiers capricieux, des reposoirs rustiques, des horizons imprévus plongeant le regard dans un continuel enchantement. En face de ce qui était jadis le palais, surgit du sein du Dnieper une petite île granitique ressemblant à une Néréide au milieu des pointes de rochers et des brisants qui l'entourent. Ses seuls habitants consistent dans quelques blancs albatros et un vieux garde forestier dont la cabane se cache parmi les arbres. Ce brave homme peut se vanter de mener là une vie aussi primitive que celle des peaux-rouges. La chasse et la pêche lui fournissent ses repas et ses vêtements. Les broussailles, son chauffage. Les feuilles sèches, son lit. Une barque, ou plutôt une coquille de noix, se balançant à quelques pas de la rive, lui sert à visiter les recoins de son empire qu'il partage fraternellement avec les oiseaux du ciel. À part quelques pêcheurs, aucun marinier ne s'aventure au milieu du dédale de rochers et de tourbillons qui rendent le Dnieper si dangereux dans ces parages. Tout est silencieux, mélancolique et désert. Outre le parc Potemkin, la ville en possède un autre fort beau où la musique militaire attire chaque soir de nombreux promeneurs. Nous eûmes le plaisir pendant notre séjour à Ekaterinoslav de faire une pittoresque excursion dans les montagnes d'Asie sans néanmoins changer de place. La Russie seule peut offrir de pareilles bonnes fortunes. Donc, un beau jour, 300 montagnards du Caucase tombèrent comme une trombe au milieu de la ville et la mirent sens dessus dessous. Petits, agiles et musculeux, on ne sait comment ils marchent, tellement leur vie se passe à cheval. C'est bien le cas de dire que le cheval et le cavalier ne font qu'un, et l'on comprend en les voyant les centaures de la fable. Leur physionomie offre un mélange d'audace et de rapacité farouche qui ne prévient précisément pas beaucoup en leur faveur. Un teint bronzé, des dents d'une blancheur éblouissante, des yeux noirs dont chaque regard est un éclair, achèvent de composer un ensemble qui épouvante plus qu'une grande laideur. Dès le moment de leur arrivée dans la ville, où ils entrèrent comme un torrent, tout fut en révolution. Les marchands, immédiatement victimes de vols nombreux, osaient à peine tenir leurs boutiques ouvertes, et les maris et les pères n'avaient pas assez de vigilance pour préserver leurs filles et leurs femmes des façons trop cavalières de ces mécréants. Ils se rendaient à Varsovie pour servir de garde d'honneur à Paskiewicz, le héros du jour. Ce caprice d'un homme gâté par la fortune peint assez bien les Russes. Pour une simple satisfaction d'amour-propre, plusieurs centaines de montagnards avaient dû quitter leur famille et leur pays, franchir de grandes distances afin d'aller parader sur la place d'une capitale. La vue de ces hommes à demi-barbares me causa une profonde impression. L'actualité s'effaça un moment de mon esprit et je crus assister à l'une des invasions de Tamerlan ou de Gengis Khan se ruant sur notre vieille Europe avec leur horde asiatique aux cris sauvages, aux costumes étranges, aux longues lances, aux chevaux arabes, aux instincts destructeurs tels qu'elles parurent quand elles soumirent tous les vastes états de la Russie à leur domination. Sur un désir du gouverneur, ces montagnards donnèrent aux habitants d'Ekaterinoslav le spectacle de leurs jeux et de leurs exercices guerriers, manœuvres qui surpassent tout ce qu'on peut imaginer en fait de souplesse, d'audace et de frénésie belliqueuse. Combien notre civilisation paraît froide, guindée, décolorée en face de ces physionomies ardentes, de ces costumes pittoresques, de ces galops furieux, de cette fantasia éblouissante, de cette grâce et de cette ardeur qui n'appartiennent qu'aux orientaux. Ils tirent la carabine au grand galop et apportent dans l'exercice du djérid une incroyable adresse. Chaque cavalier part son cheval avec une coquetterie qu'il n'a pas toujours pour lui-même, le couvrant de tapis, de bandes d'étoffes pourpres, de châles de cachemire, de tout ce que le pillage de telle ou telle caravane a pu lui fournir de précieux. Usage qui achève de donner à leurs exercices un éclat des plus pittoresques. Les manœuvres durèrent plus de 2 heures, malgré la chaleur suffocante du jour. Elles se terminèrent par une mêlée générale où la fumée, les cris, l'ardeur des combattants, les décharges de mousqueterie et le hennissement des chevaux avaient bien le droit d'effrayer quelqu'un de plus aguerri que moi. Impossible à la fin de cette étourdissante mêlée de rien distinguer à travers les nuages de poussière et de fumée que soulevaient autour d'eux de pareils combattants. Je crus un moment que tout resterait sur le champ de bataille, chevaux et cavaliers. Mais à un signal du gouverneur, l'ordre reparut comme par enchantement et nous vîmes défiler devant nous d'un air paisible ces lions du désert dont Paskiewicz sera peut-être plus embarrassé qu'il ne pense. Quoique nous ne fussions qu'au commencement de juin, la chaleur avait déjà atteint une intensité qui en faisait littéralement une calamité publique. Les hôpitaux regorgeaient de malades, attaqués la plupart de fièvres cérébrales qui les emportaient rapidement. Les rues étaient encombrées d'une couche de poussière où l'on enfonçait comme dans de la neige et le thermomètre, pendant les 15 jours que nous passâmes à Ekaterinoslav, se maintint invariablement à 28 degrés Réaumur. Il faut venir en Russie pour connaître la chaleur des tropiques. Une grave indisposition de mon mari fut la seule cause de cette prolongation de séjour dans une ville que nous ne comptions que traverser. Forcés d'y séjourner, nous acceptâmes l'hospitalité que nous offrit une charmante famille alsacienne établie depuis longtemps dans le pays et dont le chef, M. Neumann, a fondé une fabrique de draps qui fonctionne admirablement et lui rapporte de beaux bénéfices. Sa femme et sa belle-sœur me comblèrent d'attention et surtout soignèrent si bien mon cher malade que je leur en conserverai une éternelle reconnaissance. Fin de la première partie du premier chapitre.